tout de suite sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient addictif. Cette semaine, 4 paysages, une série de Camille Jusat, réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a les rues que l'on arpente, les immeubles, les usines plantées, au milieu de nulle part et leur ombre portée, les parcs que l'on traverse, les allées bordées de maisons, il y a des tours, des hangars, des grands ensembles, des esplanades, de grands gestes architecturaux, d'autres plus discrets, car on habite un décor pensé, porteur d'un projet individuel ou collectif, égoïste ou généreux, mais porté par une idéologie, même si elle cherche parfois à se faire discrète. L'architecture est une fiction comme une autre, le tout est peut-être de savoir quelle histoire elle nous raconte. Alors pour commencer, les personnages. Un couple qui rêve son avenir, des agents immobiliers qui savent quel pavillon nous ira comme un nid, une romancière qui imagine l'archéologie du lotissement, un habitant sous bulle qui veut du calme et un monsieur qui sait convaincre. Ensuite le décor, des pavillons vides, des colonnes néoclassiques, des perrons victoriens, des lotissements enchâssés, un programme immobilier Euro Disney, des allées comme des impasses, des rues qui n'en sont pas, un chez-soi pour s'y cacher, l'autoroute au loin, un chien, de grands dressings et des petits bouts de jardin. Aujourd'hui, 3e épisode, on est en France, pas loin de Cergy, et on cherche la bonne sortie. Nous avons aperçu le lotissement Grand Siècle pour la première fois depuis la hauteur courbe du viaduc sur lequel nous étions montés pour repérer les environs. Nous avions gravi les pentes de l'échangeur dont les spirales ascendantes nous étaient apparues de loin, échevaux et lancés de ponts jetés les uns par-dessus les autres dans un de ces plans apparemment inextricables qu'affectionnaient les derniers sédentaires. Nous avons fini par arriver au lotissement Grand Siècle. Il est pour ainsi dire intact. Il y a eu beaucoup moins de pillards qu'on aurait pu le craindre. Il reste quasiment toutes les fenêtres. Les murs n'ont pas bougé. Les façades, absolument identiques, sinues, un peu en retrait, le long des trottoirs. Les éclats jaunes des pissenlits écartent le marbre noirci des terrasses. Toutes les rues sont courbes, aucune ne dévoile son but. Cela attire l'œil. C'est une expo des maisons à essayer. Ça y est, c'est là. De Mexpo, les villages de maisons témoins. Parking. Maison Phoenix, vous êtes vraiment chez vous. Résidence Inter. Maison Pierre. Ah ben voilà, c'est notre rendez-vous. C'est Monsieur Grisel. C'est un des constructeurs qui s'occupe du village des maisons témoins. L'Empire du chez-soi, ou comment le lotissement pavillonnaire a colonisé la France. Camille Jusat, Vincent Deck. Donc là, on est sur le parking de Domexpo. Oui, de l'un des 4 Domexpo que nous avons sur l'île de France et qui regroupe plusieurs exemples de maisons. Mais ce ne sont que des exemples, parce qu'il y en a de multiples exemples que chaque constructeur est en mesure de proposer à sa clientèle. Il y a 26 marques en tout. On entre dans le village. Je vous y invite. On a un slogan, quand on dit des maisons à essayer, ça veut dire qu'il y aura forcément quelque part dans un de nos villages une maison qui correspondra à leurs désirs, à leurs souhaits et à leurs besoins et leurs possibilités financières. Voilà. En fait, ce qu'on essaie dans chacun de nos villages, c'est montrer évidemment qu'une maison individuelle, c'est une maison entourée de verdure. C'est historique. Alors là, on passe devant le constructeur AB Construction, constructeur spécialiste du sur-mesure, nous dit la pancarte, depuis 1990. Et là, on nous présente un petit chemin qui serpente vers la maison, laquelle est éclairée par une petite lanterne. Il y a une petite colonnade qui supporte l'auvent, on a de la brique. Chacun va proposer quoi? Une atmosphère avec sa maison, chaque constructeur? Oui, alors les maisons sont décorées. L'important, c'est qu'une fois rentré dans la maison, l'acquéreur potentiel puisse s'imaginer à choisir ce qu'il veut. Qui va différencier les différents constructeurs? Là, on a une grande diversité de maisons là, tout autour de nous, mais peut-être qu'en réalité, elles se ressemblent beaucoup. Oui et non, il y a deux grands principes. Vous avez vu tout à l'heure sur un panneau sur mesure. Sur mesure, ça veut dire que vous rentrez chez le constructeur, et vous allez dessiner la maison avec le constructeur. En revanche, vous avez des constructeurs qui vont vous vendre leur propre modèle. C'est des modèles qui sont très peu modifiables. Alors, avec un petit peu de chance, ils seront adaptés à votre envie, ou pas. Mais c'est pas le même prix du tout. C'est-à-dire, c'est le quasiment modèle, comme un catalogue. Voilà, c'est par la exemple, on appelle ça la maison sur catalogue. Mais si vous voulez, sur une maison catalogue, le produit, il est figé. Et pourquoi il est moins cher? C'est parce qu'il est figé, il est entre guillemets industrialisé. C'est comme si vous fabriquiez des objets à la chaîne. Et vous, comment vous faites, quand on est dans la maison sur catalogue, comment vous faites pour quand même que le rêve des gens puisse rentrer dans ce catalogue et dans ces propositions? Parce que j'imagine que c'est votre travail aussi d'arriver à individualiser. Les maisons sur catalogue sont présentées avec de l'ameublement, avec tout ce que vous pouvez imaginer comme décor qui serait éventuellement le vôtre. Alors, bien sûr, il y a un risque. Quand vous rentrez dans un pavillon, vous n'êtes pas forcément conquis par le décor. Nous sommes à votre écoute pour construire une maison sur mesure. Expliquez vos goûts, vos envies à votre constructeur. Vous êtes unique, votre maison aussi. Maison Sésame, la clé de vos rêves. C'est un étrange paysage qui s'est constitué en France. Pas un seul village qui naît à sa sortie son lotissement pavillonnaire. Cette ligne blanche, uniforme et quasiment sans échelle. Allée des Myosotis, rue des Mésanges, impasse des Nénuphars, la France s'est couverte de ces ensembles propres qui alignent des maisons individuelles mais toutes identiques et qui incarnent un rêve bien français, celui d'avoir son petit chez-soi. Décor énigmatique et un peu vide, propice aux projections d'apocalypse, ils ne sont ni la campagne ni la ville et on les accuse d'être dévorateurs d'espace, étalement urbain, dépendance à la voiture et même repli sur soi. Mais quand on a dit ça, on a dit quoi? À quoi rêve-t-on dans les pavillons, derrière les façades lisses et en apparence sans histoire de leur lotissement? Bonjour. Bonjour. On peut venir visiter? Bien sûr. Vous recherchez quoi en fait? En fait, on vient parce qu'on envisage de faire construire une maison, Quintard, donc on venait voir ce que proposent les différents constructeurs. Et avoir des idées aussi en même temps et par des commerciaux pour se renseigner. On envisage d'avoir des enfants, donc il nous faut quelque chose de plus grand. Là, c'est quoi là? C'est un dressing, je pense. C'est pas mal, non? Ouais, c'est spacieux, c'est grand, je pense que. Ça fait quand même une petite pièce en fait. C'est pas mal. En fait, c'est une suite parentale en fait. C'est pas mal. Ouais, avec une salle d'eau et un dressing. C'est bien spacieux. Il y a une bonne luminosité. Ça, c'est bien, c'est intéressant. Est-ce que vous savez déjà de combien de mètres carrés vous avez besoin? Entre 100 et 120 mètres carrés. Et vous avez un budget, tout compris déjà? Vous savez ouais, à peu près? On a une enveloppe d'environ 350-380 000 euros. Et ça vous emmène dans quel coin d'Île-de-France? Enfin, si c'est en Île-de-France? Bah, c'est plutôt dans le Val d'Oise qu'on cherchait, aux alentours de la Croix-Verte, pas très loin d'une route principale. Comme là, la Nationale 1 ou éventuellement la 104, la N104 juste à côté, pour pouvoir accéder facilement vers Paris si possible ou en banlieue proche. Mm-hmm. Parce que moi, je travaille à la RATP à Saint-Denis. Madame travaille sur Paris, donc il faudrait qu'on ait une gare, en tout cas pas loin. On soit pas loin des transports. Vous êtes à Stain. Oui. C'est la ville. Oui. Comment vous imaginez une vie dans une maison, au milieu d'un jardin? Bah, c'est vrai que voilà, ce qu'on cherche en premier, c'est le calme. Parce que Stain, c'est une ville assez urbaine. En fait, il y a une densité de population importante. la population, il y a du bruit. Et là, on cherchait vraiment du calme, en fait. Hein. Et le voisinage, une petite ville avec un petit village avec pas beaucoup d'habitants. Notre résidence, elle est à côté d'un quartier compliqué. Donc, en fait, tout ce qui se passe dans le quartier délicat, en fait, se passe pas loin de chez nous, en fait. Donc, là, on voulait vraiment quelque chose avec moins de passages, moins de... On aimerait avoir un jardin où on a peu de vis-à-vis, en fait. Quelque chose comme ça. Est-ce que je peux vous demander l'âge que vous avez ? J'ai 23 ans et madame en a 24. Est-ce que ça va signifier de quand même s'endetter ? Oui, beaucoup. Oui, quand même, oui, ça va être un crédit sur une assez longue durée. Voilà. Dôme Expo sur Dôme Expo, vous voyez ici sur les quatre villages. Sur une année, on vend le tiers des maisons qui sont vendues en Île-de-France. Et 50% des acheteurs de maisons individuelles sont passés au moins une fois sur Dôme Expo. Aujourd'hui, en Île-de-France, les terrains font à peu près combien de mètres carrés en Ça diminue d'année en année, si je puis dire, parce que comme le prix augmente du terrain, le global, finalement, nous, on s'arrange pour que le global soit toujours le même. On construit maintenant sur des terrains de 200, 300 mètres carrés. Là, avant, c'était 1000 mètres carrés. Finalement, entre 1000 m² et 200 m² à tondre, on ne va pas occuper les 1000 m². L'important, c'est qu'il y a un bout de gazon pour que le chien puisse sortir le matin et le soir sans se fatiguer. Il y a également de quoi mettre les enfants à l'abri dehors, mais à l'abri des circonstances des véhicules qui pourraient circuler. Mais au-delà de ça, c'est pas très... qui est plus le reflet de l'évolution du foncier, donc du terrain. Vous rêvez d'une cuisine aménagée ? D'un séjour lumineux, d'un garage, un intérieur aéré ou des espaces plus intimes. À l'intérieur comme à l'extérieur, tout est pensé pour le bonheur de vivre. Choix d'une piscine, d'une clôture, d'un arrosage, délimitation du terrain, conception d'un jardin, c'est vous qui décidez. Et pour concrétiser vos projets, on vous aide à trouver les meilleures offres de crédit. David Mongeon, vous êtes urbaniste et architecte et vous vous êtes intéressé à ce que vous appelez la ville franchisée. Et dans cette ville franchisée, vous parlez de ce paysage particulier du lotissement pavillonnaire. À quel moment la maison individuelle est-elle devenue un logement de masse ? Alors, la maison individuelle, elle a existé en France, ne serait-ce que parce que c'était un pays extrêmement rural. Donc, les gens habitaient dans leurs fermes, principalement, et tout seul, jusque dans les années 50. Alors, elle va apparaître dans les années 70 sous une forme très particulière, qui est ce que maintenant les gens appellent le lotissement. Qu'est-ce que c'est que le lotissement ? Ça apparaît dans les années 70, à un moment où il y a la conjonction du repli de l'État par rapport au logement collectif, d'une critique des grands ensembles, une espèce de conjonction économique, politique et urbanistique, en se disant, ben, finalement, la maison individuelle, c'est pas si mal. Est-ce qu'on pourrait développer assez massivement, non plus une aide à la pierre, mais une aide à la personne, et qui va permettre aux gens de s'acheter un lopin de terre et des maisons. Alors, c'est tombé aussi à un moment où les villages étaient en crise. Pourquoi ? Parce que l'agriculture devenait une agriculture intensive qui avait besoin de beaucoup moins de bras qu'avant. Donc, les villages se sont dépeuplés. Au même moment, la grande distribution a se développé. Donc, les commerces aussi ont quitté les villages. Donc, les maires s'affrontaient à la fermeture de services publics s'ils ne réagissaient pas, et notamment l'école. Donc, en fait, un produit est apparu. C'est l'idée de faire venir, de sauver l'école, en réalité, et de sauver le village avec des jeunes ménages, avec un ou qui attendent le deuxième enfant, ou des primo-accédants, comme on dit, et qui viendraient dans un produit qui est un terrain qu'on va aménager dans une grande économie de voirie, souvent dessinée par un géomètre, pour fabriquer des parcelles toutes égales dans lesquelles chacun va installer sa maison. Maisons qui vont donc couvrir les entrées des villages avec ces lotissements. Donc une trentaine de maisons distribuées de façon très égalitaire par un système en boucle la plupart du temps, une seule entrée, et la maison tout égale en situation. C'est-à-dire c'est à peu des maisons hors géographie, hors rapport aux rues existantes d'un village. Donc c'est un espèce de produit qui est le lotissement. On veut faire un produit égalitaire. Ce qui fait que d'ailleurs certains auteurs ont décrit le développement de la maison individuelle un peu comme des grands ensembles à plat. C'est-à-dire l'idée que c'est le modèle républicain, on va faire des cellules toutes les mêmes, des parcelles toutes les mêmes, et il faut surtout pas se distinguer, y compris, je dirais, dans l'architecture. On va les encadrer par un cahier des charges copier-coller de maisons avec une vague teinte régionaliste sur la couleur de l'enduit ou le degré de la pente. Puis c'est arrivé à un moment où on ne voulait pas de voisins. Donc on a des maisons au milieu de leur parcelle. Vous êtes comme un château au milieu de votre parcelle. Donc c'est ça le dispositif qui a été mis en place très très massivement dans les années 70. A changé depuis 40 ans dans la maison individuelle? Les matériaux constitutifs de la maison ont évolué. L'architecture en elle-même n'a pas fait sa révolution. On propose énormément d'architecture, y compris très avant-gardiste, mais en réalité, le prospect, finalement, on revient toujours au modèle classique. Alors, je ne sais pas s'il se pose la question ou pas de se dire, mais est-ce que quelque chose d'avant-garde, celle-ci par exemple, si je cherche à la revendre, qui va en vouloir? Parce que ça me plaît, mais il n'y a que moi qui aime ça. On se réconforte dans un achat quand on voit qu'on achète à peu près la même chose que les autres. Le mimétisme. On dit maison individuelle, mais ce n'est pas forcément maison individualisée. Elle est individualisée à l'intérieur. Et individualisé dans le sens où, une fois que vous êtes dans votre maison, vous faites ce que vous voulez, comme vous le voulez. Ce qui n'est pas vrai dans un appartement. Vous êtes tributaire de la vie commune des autres. Attention, une maison, c'est une culture. On ne la change pas comme ça. Ben, je pense. Voilà, donc vous voyez, en fait, l'idée, c'est à partir d'un modèle, de l'humaniser, pour qu'on se rende compte qu'est-ce que ça va donner quand on habitera. Bonjour. Donc vous êtes les commerciaux des maisons pierres. Des maisons pierres, tout à fait. Et là, cette maison, elle propose un double living, une cuisine, un garage. 4 chambres. Hors garage, on est sur 114 mètres carrés habitables. Et si vraiment je veux exactement la même maison, si je veux avec la même maison. Avec les peintures, les revêtements de sol, tout, il faut partir donc avec le garage, les combles récupérables, les baies coulissantes et tout ce qu'il faut. En normes RT 2012, vous allez tabler aux alentours des 160-170 000 euros environ. Ça veut dire que ça concerne quel type de clientèle? C'est vrai que en manière générale, c'est plutôt des primo-accédants, donc le premier achat. Quand les gens entrent là, comme je viens de le faire, et se mettent à tourner dans la maison, qu'est-ce qui les frappe tout de suite? Surtout pour savoir quel type de modèle de maison on fait. Est-ce qu'on fait du contemporain? Est-ce qu'on fait que du traditionnel comme ici? On appelle ça traditionnel ici? Oui, c'est du traditionnel, puisque là, on va dire que la pente de toiture est classique. On n'est pas dans une toiture à la mansarde ou des maisons toit-terrasse comme vous avez à l'entrée du Dôme Expo. D'accord, et ce sera le même prix en contemporain? Ça ne changera absolument rien. Il y a plus de demandes pour du contemporain? Pas forcément. C'est surtout que c'est pas encore démocratisé. Malheureusement, les communes ne sont pas très très fans des toits plats. Très très très peu de communes aujourd'hui en Île-de-France acceptent ce qu'on appelle nous les toitures terrasses, donc les toits plats. Qu'est-ce qui les fait rêver, les jeunes de 30 ans, dans le fait d'acheter une maison? Le fait d'être propriétaire de son chez-soi, puisque effectivement, un appartement, on a des voisins. Crier lors d'un match de foot, tous les enfants en cours à droite et à gauche, on n'a pas le voisin en dessous ou du dessus qui va dire oui, vos enfants font trop de bruit. C'est cette idée de liberté et de se dire voilà, là on est tranquille. Est-ce que ça va bien le marché de la maison individuelle? Chez Maison Pierre, oui. Chez Maison Pierre, oui, ça va. J'ai pas les derniers chiffres, mais je crois qu'on est depuis le début d'année à environ 1200, 1300 maisons vendues. On se plaint pas? De manière générale. Les villages Dôme Expo représentent un tiers des ventes d'Île-de-France. Donc l'ensemble des constructeurs actuellement ne peut pas dire que ça ne marche pas, bien au contraire. Merci monsieur. En fait, là, comme ça, on arrive à mieux visualiser la vie, enfin, ou plutôt la vie en fait, qu'on pourrait avoir. Qu'est-ce que vous voyez là tout de suite? Voilà, on a une vue sur le salon, sur la pièce principale en fait. Qu'est-ce que vous imaginez là tout de suite? Surveiller les enfants. Ouais, j'imagine sur la terrasse entendre mes enfants en train de jouer, enfin voir madame regarder la télé, etc. Si je vous dis dans 5 ans, il est 19h un samedi, qu'est-ce qui se passe dans une maison comme celle-là pour vous? Je suis en train de faire à manger déjà, ça c'est sûr. Moi je suis en train de jouer, je pense, avec mon fils, en train de regarder un match à la télé ou de l'occuper dans ses activités. On voit tout. On aura une vue sur le jardin, si on a les enfants qui jouent sur le jardin ou qu'on a des invités peut-être ou autre en fait. Ouais. Ça me plaît. Puis, un jour enfin, main dans la main, tu as visité la maison témoin. Et peut-être que dans ces circonstances, ce coin désert, fraîchement loti, tout juste ouvert à la vente, ressemblait à la promesse de la paix. Et ainsi, maison après maison, lotissement après lotissement, arraché aux terres agricoles, un paysage est né. Cette ligne blanche de pavillons, donc, surmontée ici d'ardoises, ailleurs de tuiles. Ce sont maintenant 70% des Français qui vivent dans une maison. Mais que reprocher à ce désir de quitter la grande ville, d'avoir un bout de jardin, d'échapper au loyer trop cher, à la densité, au bruit? Après, plus tard, viendront peut-être les heures dans les embouteillages, l'épuisante virée à l'hypermarché du coin, les enfants qui grandissent et s'ennuient, l'isolement. En attendant, dans les rues tranquilles, derrière les tuyas, quelle vie! Il fallait aller voir, mais dans la marée de lotissement, où s'arrêter, lequel regarder? Nous sommes donc allés là où on en construit le plus, de manière concertée et programmatique. L'expérience urbaine la plus étonnante de ces 30 dernières années, des kilomètres de programmes pavillonnaires, une échelle unique en France, menée discrètement mais à grands moyens par le groupe Disney, qui a lancé tout autour de son parc d'attractions en Île-de-France un grand programme urbain. Monsieur Ménigoz, oui. Vous êtes arrivé ici il y a combien de temps? Alors, il y a 15 ans maintenant, en août 2001, puisqu'on a acheté un terrain, un lot. On a visité les emplacements d'Homexpo, par exemple. Et puis, on a choisi donc un modèle qui nous convenait, qui nous plaisait. Et on a fait construire donc la maison qui nous correspondait le mieux. Il n'y avait rien du tout. C'est-à-dire, quand on a vu le terrain, il n'y avait rien. C'était des champs de maïs tout autour de nous. Et ensuite, les lots ont été réalisés avec les implantations des rues, etc. Qu'est-ce qui vous a amené ici, au Val d'Europe? En fait, on était en région parisienne, près de Roissy. Et le secteur ne nous convenait plus, la maison était trop petite, enfin. Et puis également facile d'accès pour mes activités. Et là, c'était très pratique puisqu'il y a le RER, les deux aéroports qui sont proches puisqu'on est à peu près à mi-distance. Mais surtout, ce qui nous a intéressé, c'était l'environnement qui était très sympathique. Et avec Disney qui venait de se mettre en place, on s'est dit que fatalement, ça ne pouvait rester qu'un environnement agréable. On voyait déjà, au fur et à mesure que les habitations se créaient, les infrastructures, les espaces verts, les écoles, enfin tout ça, s'est mis en place en même temps. Et puis ce qu'on a apprécié aussi, au début on est allé 2-3 fois sur le parc Disney, on pourrait presque y aller à pied d'ici, hein, c'est tellement c'est proche. Quand on va là-bas, ben, on se croirait complètement ailleurs. Et puis, il y a le centre commercial juste à côté qui est assez important, qui est facile. Le centre commercial Auchan de Val d'Europe. Il y a quelque chose qui est compliqué pour moi à comprendre. C'est quoi des espaces verts quand on est déjà au milieu de la campagne? Oui, ben, on a vu qu'effectivement, des choses se mettaient en place au niveau du décor, de la mise en beauté de la région, si j'arrive à trouver le terme. Donc on a vu tout de suite, ça se mettait en place. Par contre, là où on a fait construire, effectivement, il n'y avait rien. C'était des champs, un bois au loin, et le golfe de l'autre côté que l'on voyait depuis ici, depuis quelques habitations entre deux. Donc on voyait que, manifestement, c'est un secteur qui allait évoluer et dans le bon sens. Et ce ne sont pas non plus des maisons typiquement carré Île-de-France, lotissement pur et dur. Non, il y a une variété des maisons qui reprennent des colombages, etc. Enfin, des programmes avec un nombre de types de maisons relativement importants et différents qui font que l'on n'a pas l'impression d'avoir une uniformité. Votre résidence Victoria Park à Séris. Idéalement située au cœur du Val d'Europe et à seulement 35 minutes de Paris, Victoria Park vous offre la possibilité de vivre dans un cadre de vie élégant à l'ambiance londonienne. La résidence Victoria Park bénéficie d'un emplacement idéal, proche de toutes les commodités. Vous profiterez également de nouveaux aménagements de la ville, le centre commercial Val d'Europe et la Vallée Village seulement à 5 minutes à pied. Labellisée Ville Fleurie, Séris dispose de parcs et jardins propices aux loisirs des promenades. N'hésitez pas à nous contacter. Cette résidence a été pensée pour vous. J'essaie de retrouver mon chemin parce que ce n'est pas très pratique. Ouais. Je dois dire, pour retrouver une route d'ici, quand on... tous ces petits pavillonnaires, on a du mal à ressortir. Il devrait y avoir plus d'indications, mais bon. Il fait beau, on en profite. Bonne journée. Nous sommes en train de faire quelque chose d'absolument absurde. Nous sommes en train de marcher dans un lotissement de maisons individuelles à Magny-le-Hongre, à Val d'Europe. C'est une chose absolument incongrue parce qu'on ne marche pas habituellement dans ces lieux-là. Et nous sommes entourés de maisons très blanches avec des colonnades. On pourrait être dans Desperate Housewives, cette série américaine, avec des maisons qui serpentent le long de routes en boucle. Alors c'est un lotissement de maisons individuelles, mais je dirais que c'est beaucoup plus qu'un lotissement en réalité. On trouve finalement une sorte de paysage résidentiel qui est composé de maisons assez grandes. Hein. C'est un lotissement plutôt luxueux. Un lotissement composé de maisons thématisées, fortement référencées, à une période très particulière qui est ce qu'on appelle le néoclassicisme, qui est un moment, disons, au tournant du 19e siècle, où on va redécouvrir les codes de l'architecture antique. Et on retrouve ici, dans ce lotissement qui date de... Il a été fini en 2013, des frontons classiques, des colonnades, des pilastres, des œils de bœuf, tout un ensemble d'éléments d'architecture. L'architecte, plutôt que de produire une forme, il génère une histoire, un mythe. L'histoire d'une sorte de colonie néoclassique du 19e siècle, une sorte de lotissement parc dans un environnement pacifié. Alors cette histoire qui nous est racontée ici, on voit bien que cette histoire-là, elle concerne ces 50 maisons ou 60 maisons. Mais en même temps, si on se retourne, là derrière, il y a un autre lotissement. Qui raconte une autre histoire. Et ça pose la question de l'échelle de ces opérations, donc c'est une soixantaine de maisons, une cinquantaine de maisons, et gérées par le même promoteur, avec une certaine idée de forme, de type de maison. Donc tout ça fabrique une offre immobilière diversifiée, hein, où les gens peuvent aussi choisir l'histoire dans laquelle ils veulent exister. Le paradoxe de l'habitat pavillonnaire, au fond, c'est qu'on cherche une maison individualisée, isolée, détachée des autres maisons, une certaine individualisation de l'habitat pour construire l'univers de son chez-soi, hein, l'empire de son chez-soi. Et en même temps, ça ne suffit pas. Il faut qu'autour de cette maison, il y a un horizon, il y a un ordre, il y a une cohérence. On voit qu'il y a des espaces verts, des faux étangs, des allées, des plantations. Donc tout un paysage de synthèse qui vient se substituer petit à petit à ce plateau briard qui était avant un plateau agricole. Chacun de ces lotissements est relativement auto-centré. Les voiries qui desservent ces lotissements sont souvent des boucles, hein, c'est-à-dire ce sont des impasses. On entre, la rue fait une boucle et ressort par le même endroit. Ici, comme dans un labyrinthe, il n'y a qu'une façon de sortir après être entré. Il y avait donc ici un principe directeur qui désormais a disparu, un plan. C'est lui qui nous a tout d'abord envoûtés. Les rues du lotissement Grand Siècle ne mènent jamais qu'à elles-mêmes, dans une organisation fractale. Une boucle desservant des boucles, qui elle-même se divise en boucles, jusqu'à desservir tous les pavillons. La plus grande boucle était reliée à une voie rapide qui conduisait à l'autoroute via une série de ronds-points, ceux-là même par lesquels nous sommes arrivés ici. Comme dans un labyrinthe, chacun peut avoir l'impression de la solitude la plus totale en même temps qu'il voit son reflet se démultiplier à l'infini. Comme dans un labyrinthe, nul libre arbitre individuel, nulle initiative collective. Fanny Taillandier, vous êtes l'auteur de « Les États et Empires du lotissement Grand Siècle », qui est une fiction d'après l'Apocalypse, dans laquelle vous avez imaginé l'énigme que représenterait pour des hommes du futur les ruines d'un lotissement. Et entre autres énigmes pour ces hommes, il y a le plan du lotissement, cette fameuse boucle qu'on retrouve à peu près dans tous les lotissements pavillonnaires. Une des idées phares qu'il y a eu au moment de la construction des lotissements, c'est qu'il faut rationaliser en commençant par les circulations. Et Lévit, le promoteur qui a inventé cette formule du nouveau village où il construit la maison à la chaîne, s'est dit que la largeur des voies était strictement déterminée par le fait qu'il fallait qu'un camion poubelle ou un camion pompier puisse y faire demi-tour. Donc ça a tout de suite, en fait, cette idée de desserte, mais vraiment très technique, à présider au plan que ça pouvait avoir. Donc ça prend la forme d'une boucle, puisque la boucle, ça permet un accès extrêmement rapide des parcelles, et en même temps, c'est une économie très grande en termes de travaux de voirie, c'est beaucoup moins de... Il y a moins de rues, en fait. Et à la fois, donc, cette boucle peut se subdiviser à l'infini en petites boucles, donc on repère le plan en marguerite, le plan en raquette de tennis, enfin bon, c'est très imagé, c'est très, très poétique. Et c'est fractal dans le sens où effectivement ça peut se construire à l'infini, mais ça revient toujours au point de départ de la boucle. Donc c'est à la fois le labyrinthe et à la fois l'étalement perpétuel, quoi. Ça peut ne jamais s'arrêter. Mais c'est quand même assez intéressant de se dire effectivement que cette boucle revient à son point de départ, qu'il n'y a pas de centre dans un lotissement et qu'il n'y a pas de centre. Quel est l'espace de la rencontre? Quel est l'espace du collectif de ces endroits-là? Quel est le rapport avec les voisins? Est-ce qu'il y a une vraie vie dans le lotissement? Vous connaissez les uns les autres? Oh oui, on se connaît, on se côtoie pas forcément énormément, ou il y a plus ou moins d'affinités avec les uns les autres, comme partout, bien sûr. Mmh. Attention derrière vous. Mais tout en étant chacun chez soi quand même. Mmh. On va prendre le petit chemin qui est là. Donc là, on traverse le lotissement, on rejoint un autre lotissement. En fait, la ville, elle est organisée comme ça. C'est une succession de lotissements qui s'enchaînent les uns les autres. Mais il y a des secteurs, des villes, qui sont plus chers que les autres. Dans les cinq. C'est donc ça que nous étions venus voir. Plutôt que de regarder un seul lotissement à la sortie d'un village, nous avons voulu voir quel type de ville on pouvait produire quand on pense des programmes de maisons individuelles à grande échelle. Si, quand on a les moyens de planifier, le lotissement peut devenir autre chose que cette petite masse uniforme qui vient s'agglomérer à la lisière des villages ou entre les rocades autoroutières. Cette grande expérience urbaine dont avait rêvé en son temps Walt Disney lui-même est née d'un drôle de pacte entre la puissance publique et le groupe Disney. La cession d'un territoire entier à un groupe privé, avec cette idée démiurge, créer une ville. Welcome to Walt Disney Company for the best. This agreement with the Walt Disney Company is a very, very interesting contract and affair. I'm sure it will be a great success because it's Disney Company and because it's France. Jean-Paul Balcouc, en 1987, Jacques Chirac annonce la signature de la convention avec Disney et le très grand projet d'urbanisation que ça signifie pour la région. Quelle est votre réaction? C'était un petit peu comme si le ciel nous tombait sur la tête. Il faut savoir que Magny-le-Hongre, à cette époque-là, était un petit village de 220 habitants. Donc, une fois passé ce moment de surprise, où notre réaction était plutôt d'accompagner ce projet, parce que c'est quand même un projet fantastique, un projet magnifique, et il fallait prendre le train en marche, c'est ce qu'on a fait. Parce que c'est le dernier secteur qui s'est construit sur Marne-la-Vallée, et comme l'État n'avait plus d'argent à mettre dans ce secteur, et pour nous, ça a été un bien extraordinaire. Pierre Chabard, on ne peut pas comprendre cet endroit si on ne parle pas de Disney, car en réalité, toutes ces petites enclaves de lotissements pavillonnaires ont été organisées par Disney, qui est le grand aménageur de ce territoire. Oui, Disney est l'aménageur et le développeur de tout ce territoire qu'on appelle le Val d'Europe. Depuis qu'il a signé avec l'État français une convention en 1987. Ce Val d'Europe constitue aussi le quatrième secteur de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, sur lequel la Disney Company a implanté son parc à thème européen, qui a ouvert ses portes en 1992, autour duquel la compagnie Disney souhaitait maîtriser l'urbanisation qui allait générer en fait la présence de son parc à thème. Alors, l'État français a soumis tout ce périmètre qui fait à peu près 2000 hectares à une déclaration d'utilité publique qui lui permet de préempter tous les terrains qui étaient des terrains agricoles à la fin des années 80. L'État français s'engage à viabiliser les terrains et à les revendre à prix coûtant à Disney de manière exclusive, pour développer ces différents quartiers, tout un projet immobilier et urbain où Disney, propriétaire des terrains, va les revendre à des promoteurs pour développer ces différents lotissements en imposant aux promoteurs des cahiers des charges très stricts en matière de forme, d'organisation et aussi de styles architecturaux. C'est ça qui est très singulier au Val d'Europe, c'est ce contrôle de la forme architecturale à l'échelle d'un très grand territoire. Ce que, au fond, la puissance publique n'a jamais réussi à faire dans les villes nouvelles, c'est une certaine idée de ville, un certain paysage urbain qui vient s'imposer à l'architecture de manière à réguler ce paysage urbain, à le maîtriser dans ses moindres détails. Francis Bourrezé, vous êtes vice-président du développement immobilier et touristique chez Euro Disney. Quelle était votre idée ici? Est-ce qu'il y avait une idée tout de suite? Qu'est-ce que vous avez voulu faire? Alors, à l'origine, à peu près 5000 habitants ici. Aujourd'hui, il y en a 30 000. Il y avait 5 petits villages. Et bien sûr, une locomotive très forte qui est les parcs et puis le complexe hôtelier. Et donc, c'était de réussir à développer une ville qui ait du sens. On a voulu éviter de développer des lotissements comme on les voit un peu partout et de faire de la ville au kilomètre. Et on a donc dialogué avec des promoteurs qui sortaient un peu de la façon traditionnelle de développer des opérations de maisons individuelles, en leur demandant de complexifier les choses. Mmh. Donc on a des formes urbaines qui sont très très différentes de ce que l'on peut trouver. L'objectif, ça a été quasiment dans chaque quartier que les habitants se retrouvent dans une architecture non pas typée, mais un peu originale. C'est vrai qu'on est parti plutôt sur une architecture néoclassique. Parfois, d'ailleurs, on a tendance à réduire un peu le Val d'Europe à ce type d'ambiance-là, alors qu'en fait, on a des quartiers d'inspiration un peu différentes au gré des rencontres avec les architectes. Donc on a un quartier, par exemple, qui s'est un peu inspiré des ambiances anglaises. For you, for you. arrivés jusqu'ici, on est dans une des opérations les plus récentes, donc on est aussi aux frontières hein, de ces territoires. On voit qu'après, c'est plutôt des terrains agricoles. Pour arriver jusqu'ici, on a traversé des kilomètres hein, de ces lotissements. Quel est le point commun de toute cette architecture ? Euro Disney, qui développe le Val d'Europe, a fédéré autour d'elle tout un réseau d'architectes qu'on appelle néo-traditionnels. Ces architectes néo-traditionnels considèrent que le néoclassicisme, c'est un style qui parle à tout le monde parce qu'il est bien installé dans les villes historiques en Europe. Il a donné forme à plein de monuments très connus et qu'il est complètement assimilé dans la culture européenne. On souhaite effectivement avoir une architecture qui, dans le temps, ne vieillisse pas trop. On évite les grands gestes architecturaux et c'est pour ça que le style néoclassique, en général, nous convient assez bien parce qu'on pense que ça va bien se patiner. Et bon, on a ici des quartiers qui ont presque 10 ans maintenant. Donc cette patine, à notre avis, va ancrer, je dirais, les histoires architecturales qu'on peut raconter ici. Et on a réfléchi avec un architecte concepteur sur quel est le vocabulaire de cette inspiration. Et après, ce qu'on demande aux architectes, c'est de s'exprimer avec ce vocabulaire, mais de le transcender. Donc on leur demande surtout pas d'être dans une réplique, mais au contraire de s'approprier ce vocabulaire et finalement de l'appliquer à un ouvrage qui va être totalement original. Donc on va aller travailler la corniche, le type de matériaux pour les garde-corps. On va à un niveau de détail, ce qui est probablement un trait un peu de Disney. Cette culture du détail, pour nous, c'est très très très important. Quelle idée de la ville on essaie de défendre ici ? Par-dessus tout, l'idée d'offrir un environnement pacifié, ordonné, calme, harmonieux, sans aspérité, une antithèse finalement de ce qu'est la ville contemporaine. La ville contemporaine est au contraire complexe, antagoniste, chaotique, impur, contaminé par des logiques souvent incontrôlables. Les gens qui viennent habiter ici, finalement, veulent échapper à ce chaos et s'immerger dans un environnement totalement contrôlé. Donc je pense que le maître mot de cette architecture, c'est celle d'une certaine idée de l'harmonie. Une harmonie entre un groupe social qui est relativement entre soi et un environnement dans lequel il se sent en sécurité, au fond, à distance, finalement, des problématiques de la ville contemporaine. Tu es l'homme du siècle 21 et tu en as marre de refaire ton CV et de détailler ta progression. Tu es l'homme du siècle 21 et tu es par moments écœuré toi-même de ce nouveau téléphone, de cette nouvelle voiture que clament les affiches en parlant du futur et que tu achètes quand même parce que les autres l'attendent de toi. Tu dis oui, tu réponds, tu affirmes. Tu ne peux pas te dérober, quel qu'immense que t'en soit le désir. Tu dois participer au développement, aux générations, à la croissance. Tu fais partie de l'histoire. Cela t'épuise, mais tu n'as pas le choix. En venant t'installer ici, tu désertais l'épuisante lutte du progrès. Le repos, le vrai, où tu pouvais enfin être insignifiant, te taire. Vous dites que dans ces lotissements, il y a une certaine recherche d'éternité, ou en tout cas de paradis. Qu'est-ce qu'il serait, ce paradis ? Quand on lit les tracts et les publicités pour faire acheter ces maisons-là, on se rend compte que tout prétend qu'on va arriver au paradis. Donc, qui dit paradis dit absence de temps et absence de mort, c'est-à-dire qu'on arrive dans le lotissement et ça y est, on est débarrassé de tout ce qui nous rend historique. Aller dans les pavillons, c'est sortir de l'histoire. En vérité, peut-être qu'aller habiter là, effectivement, c'est s'extirper, sortir de ça, enfin, arriver à cet endroit-là, c'est se réfugier aussi. C'est quelque chose qui m'avait marqué quand j'étais allée m'entretenir avec des gens qui habitent dans les lotissements Lévite d'Île-de-France. C'est qu'ils avaient tous, surtout la première génération, ils avaient tous eu des carrières qui étaient vraiment les carrières des Trente Glorieuses. Et ils avaient énormément donné d'eux-mêmes pour arriver à être ingénieurs. Ils avaient sacrifié en fait leur tranquillité en travaillant comme des forcenés. Et quand ils étaient dans le lotissement, ce qu'ils aimaient dans le lotissement, c'était la paix. les enfants qui peuvent jouer dehors et puis qui retrouvent leur maison le soir, mais on n'a pas à s'inquiéter pour eux, on n'a pas à se demander s'ils sont en sécurité. Quelque chose qui est vraiment un lâcher-prise aussi très fort, quoi. Et qui est l'inverse de ce qu'on peut trouver dans la grande ville, où on est toujours en train de se laisser entraîner ou d'aller chercher le réseau, les autres, l'interaction, la découverte, etc. Et c'est en fait épuisant. Par moments, on a juste envie de se cacher dans un coin, quoi. Et je pense que c'est ce désir-là qui préside aussi à ce genre d'endroit. Des enquêtes ont été faites par Disney. Je pense pas que ces enquêtes soient truquées. Où 90% des gens étaient contents de vivre sur le Val d'Europe. Et nous voilà devant l'école. Alors, juste derrière vous, vous avez un groupe sportif, enfin une salle de sport. Un petit peu plus loin, on a un aménagement avec skateboard, etc. Donc, il y en a pour tous les goûts, tous les âges. Et là, on a donc les bus qui passent et qui vont vers la gare, vers le centre commercial, etc. Donc des liaisons de bus avec des lignes, avec des passages assez fréquents quand même. Est-ce que vous avez le sentiment que cette grande ville imaginée par Disney, c'est quoi? C'est un modèle vraiment réussi, vous diriez? À en voir les villes nouvelles qui ont été réalisées en région parisienne ou par ailleurs, ça peut être un exemple ici, ouais. C'est un exemple et c'est une mise en œuvre réussie, je dirais. L'environnement, la population est telle qu'on a très très très peu de soucis, très peu de problèmes, et qu'on se sent bien et tranquille. La chance d'avoir un temps super. Donc là, on est au 8e étage de cet immeuble, qui est le plus haut de la place d'Ariane. Hein, voilà, c'est peut-être la seule tour qu'on aura sur le Val d'Europe. On est à 40 mètres à peu près, et c'est vrai qu'on a une vue assez imprenable sur l'ensemble du centre urbain. Face à nous, la place d'Ariane, donc, qui est en fait un des points névralgiques de la ville, puisqu'on a la gare du RER qui débouche sur cette place. Et également l'entrée du centre commercial qui agit un peu comme une rue intérieure qui relie les différents quartiers du centre urbain. Et donc en effet, comme on est quand même assez haut, on voit cette espèce de grande halle qui est le centre commercial. Quelle est l'inspiration là de ce bâtiment? Quelle a été Alors de... la thématique, mais elle a été transcendée encore une fois parce que c'est un peu la méthodologie, était à l'époque les halles de bâtard ou l'image des halles de bâtard et également les passages parisiens. Et la nouvelle extension est plutôt sur l'inspiration du Grand Palais. Donc vous voyez, c'est d'une grande nef de verre et d'acier. Après, ce qu'on demande aux architectes, c'est de transcender cette inspiration. Je pense que quelqu'un qui visite le centre commercial ne s'en rend pas compte. Mais c'est pas grave, parce que par contre, ça a donné une direction à l'architecte et il a pu aller au-delà de cette inspiration. Mais c'est plutôt une ambiance qu'on essaie de donner. On n'est pas en train de faire des répliques. Mais ça donne le ton d'une certaine façon, et voilà un peu la méthodologie. Pierre Chabard, on a quitté les lotissements de maisons individuelles, les pavillons, pour venir là, devant la station RER du Val d'Europe, parce qu'en fait, ça n'est pas qu'une ville de maisons individuelles et de lotissements, c'est une ville qui a été pensée avec certains centres, quelques centres urbains plus denses. Alors, il y a très clairement un centre urbain à Val d'Europe, qui est par ailleurs un territoire très polycentrique, on l'a vu. Il y a plusieurs villages, où chaque ancien village, chaque ancien bourg constitue un centre en soi, avec sa mairie, son église, ses commerces. Mais malgré tout, à l'échelle de tout le territoire, il y a ce qui s'appelle très clairement dans le discours des aménageurs un centre urbain qui est regroupé autour d'une des deux gares du RER, la gare du Val d'Europe. L'autre gare correspond au centre touristique, au resort, qui est lui-même connecté à une gare TGV Et donc ici, on se trouve dans le centre urbain. L'idée ici, c'est plutôt de constituer une sorte de simulacre de la ville historique. L'histoire qu'on nous raconte dans ce quartier, c'est l'histoire de la ville héritée, de la ville européenne qu'on vient reconstituer ici. Un énorme centre commercial qui est sans doute un des plus grands d'Europe, qui doit voisiner les 100 000 mètres carrés et qui concentre toute l'intensité commerciale de ce territoire qui organise les manières de consommer et les modes de vie qui sont tout à fait conformes aux modes de vie suburbains. Donc maisons individuelles, automobiles et centres commerciaux. Au fond, ce qu'on peut trouver un peu partout en France, c'est-à-dire le lotissement à la sortie d'un village où les gens circulent en voiture et vont faire leurs courses dans l'hyper du coin, on n'est pas si loin de ce modèle ici. On n'est pas si loin, sauf que ce n'est pas l'histoire qu'on nous raconte. Et c'est toute la force de cette opération, c'est sa capacité à thématiser un territoire à grande échelle, hein, sur 2000 hectares, et à le mettre en cohérence avec un certain imaginaire urbain, en essayant d'en maîtriser tous les éléments visuels, pas seulement les bâtiments, pas seulement les ornements qui décorent ces bâtiments, mais aussi les essences d'arbres, certaines régulations des enseignes, l'ensemble de ce qui constitue un paysage finalement. Tous ces éléments d'un paysage sont pensés en cohérence avec cette fiction qu'on a inventée sur cet ancien territoire agricole. Et au fond, ça produit quoi comme paysage? Ça serait un paysage un peu virtuel qui est posé là de manière complètement, qui s'impose sans référent historique réel. On est dans une sorte de grand décor de théâtre où on peut même se demander ce qu'on fait là, si nous-mêmes on existe. Enfin, il y a quelque chose. Qu'est-ce que ça produit tout ça? Ça produit un paysage de synthèse créé de toutes pièces. Mais finalement, aujourd'hui, peu d'opérateurs ont le pouvoir ou la capacité à faire exister une telle cohérence à une telle échelle. C'est ça que Euro Disney, avec ses partenaires publics, ont réussi ici, à faire exister à grande échelle une fiction architecturale et urbaine qui s'est réalisée. Alors évidemment, la critique, c'est d'être un urbanisme du faux, un urbanisme du storytelling. Bon, force est de constater quand on se trouve sur cette place que cet urbanisme a aujourd'hui un très grand succès auprès de nos contemporains. Personne, à l'époque de la fondation du lotissement Grand Siècle, qui pourtant ferait tant d'émeu, n'a parlé de lui autrement que pour le dénoncer. Drôle d'époque que ce siècle 21. 5 millions de pavillons allaient être construits dans les 20 ans qui suivirent les 600 maisons qui nous occupent. 20 millions d'hommes et de femmes allaient s'empresser de les habiter. Pourtant, le lotissement ne méritait aux yeux de l'intelligentsia que le silence ou le mépris. Personne n'a sincèrement essayé de comprendre ces 20 millions-là. Que cherchaient les habitants du lotissement Grand Siècle? Qui étaient les hommes et les femmes qui prenaient la bretelle autoroutière, qui contournaient le rond-point, qui suivaient la boucle et qui descendaient enfin de leur voiture devant le garage? Qu'avaient-ils trouvé ici? Et qu'avaient-ils à dire? Il me semble aussi que c'est bien facile de taper sur les lotissements. Aller habiter dans le lotissement, c'est un compromis qu'on fait avec un état donné de la société et une place qu'on a dans cette société. Ça dénote aussi la tentative de bien faire. Donc finalement, cet endroit, pour moi, c'est plutôt l'expression de tous les impératifs qu'on nous colle sur la figure, parce que c'est un système qui est organisé comme ça, plutôt que l'expression d'un choix qui serait égoïste ou replié sur soi, etc., je crois. Un grondement sourd parcourut la plaine. Partout, les hordes surgissaient. Ils partirent. Ils se prirent par la main dans une aube froide et mouillée, et les premiers fermèrent soigneusement leur porte à clé, se berçant de l'illusion de revenir. Ils partirent en voiture d'abord, puis à pied, puis au pas de course, en coupant à travers le bois, à travers l'échangeur déjà déserté, sans autre bruit que le grondement qui s'amplifiait dans les rues. Il y a l'empire du chez-soi ou comment le lotissement pavillonnaire a colonisé la France. Merci à Jean Fizel, aux commerciaux et aux clients du village de Mexo, à David Mangin, Régis Ménigoz, Jean-Paul Balcou, François Boreuzet et Pierre Chabard. Extrait des États et empires du lotissement Grand Siècle de Fanny Taillandier, lu par Élodie Hubert. Prise de son Clémence Bonfils et Patrice Klein, un documentaire de Camille Jusa et Vincent Deck. I follow you through the dead of night. LSD, la série documentaire, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez faire construire, bibliographie, lien, nous podcaster pour le RER ou nous réécouter au jardin, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et Twitter. Et demain, dernière étape, les cathédrales d'acier de Lorraine quand l'industrie quitte une vallée. Mais dans un instant, juste avant le journal de 18h, on retrouve Hervé Gardette.